Selon le journal d'internet sud-coréen Tongelius, le comité préparatoire des cérémonies communes nationales du 15 août de Corée du Sud a organisé le 15 devant la porte Kwanghwa à Séoul, la cérémonie du 15 août en présence de plus de 300 organisations civiles et sociales. Les orateurs ont dénoncé que les États-Unis et le Japon sont l'auteur de la division nationale et déclaré qu'il faut défendre la dignité de la nation par la coopération nationale réunissant le Nord et le Sud. Par ailleurs, le même jour, le porte-parole de l'Association nationale des Coréens aux États-Unis a publié une déclaration à l'occasion du 71e anniversaire de la libération de la patrie et souligné que tous les Coréens doivent unir la force et l'intelligence pour régler le problème de l'unité nationale.